Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95FM, avec vous jusque 10h30. Scream pour l'émission Backstage, et aujourd'hui c'est un backstage live, encore une fois, on va dire un live compilation, on va dire ça comme ça, mais avec un groupe dont on n'a plus besoin de faire la présentation, mais je la ferai quand même au cas où vous sortiriez d'une île déserte depuis quelques années. Voilà, il s'agit du deuxième album live de Queen, le live Magic est le deuxième album live de Queen enregistré en Europe durant le Magic Tour de 1986. Voilà, donc c'est juste pour l'introduction. On va démarrer avec un titre, le titre d'ouverture de cet album, un album qui a été un peu controversé à l'époque, car il s'agit bien entendu d'une compile, donc automatiquement c'est pas un album complet, hein, si vous voulez. On a pris des chansons un peu partout en Europe, on les a compilées, mais en plus de ça, Queen s'est donné l'envie de raccourcir certains morceaux, dont des titres vraiment qu'on ne doit pas toucher, du style par exemple Bohemian Rhapsody, où ils ont carrément coupé la partie opéra, mais ça on en parlera un peu après dans l'émission. Alors on va s'écouter le premier titre qui est One Vision, et aussi le titre d'ouverture de ce live, de la tournée aussi de Queen, qu'ils ont repris après plus tard sur le Wembley Tour. Il faut savoir aussi que One Vision est une bande originale du film qui s'appelle Aigle de Fer aussi. Donc voilà, je vous aurais dit un peu tout. On va s'écouter ce titre, puis après on arrivera directement. Je vous parlerai un petit peu de Queen, la fondation du groupe, et puis après on démarrera dans le vif du sujet. We'll be right back. Grand moment, et oui, je regrette de ne pas les avoir vus. Voilà, bon, c'est malheureusement les circonstances, comme on les connaît, voilà, ça a été tragique. Alors, Queen est un grand groupe, hein, ça, il n'y a pas à refaire, hein, un groupe de rock britannique formé en 1970 à Londres par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, ces deux derniers étant issus du groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Groupe britannique qui a connu le plus grand succès commercial de ces 30 dernières années. Queen a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux États-Unis. Selon un sondage d'opinion commandé en Grande-Bretagne par la BBC 2 et paru en 2007, Queen est considéré comme étant le meilleur groupe britannique de tous les temps, devançant les Beatles et les Rolling Stones. Queen est aussi l'un des pionniers du clip vidéo, ayant exploité ce monde de communication dès 1975. Queen a conservé, après la mort de son leader Freddie Mercury en 1991, de très nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous parler du groupe, hein, bon, cas où vous sortirez d'une île déserte et que le groupe Queen, depuis 1970, vous étiez abandonné sur une île et que vous ne connaissiez pas le groupe Queen. Ben voilà, maintenant vous savez un peu de quoi il s'agit. Alors sur la tournée de Queen, donc le Live Magic, il faut savoir quand même quelques petites choses que je vais vous dire tout de suite après, que c'est un album de 52 minutes 18. Il a été enregistré entre juillet 86 et août 86 et il est sorti en décembre 86 aux États-Unis et en Angleterre. Il est sorti sur le label EMI et Hollywood Record pour les States. Et dans les membres, on a bien entendu Freddie Mercury, chant et piano, Brian May, guitare et chœur, John Deacon à la basse et Roger Taylor, batterie et chœur. Il y aura même un musicien auditionnel qui est Spike Edney, qui était guitare et synthétiseur. Voilà, donc après je vais rentrer dans les détails de cet album et après, bien entendu, on repartira sur l'historique de Queen. Là, on va s'écouter A Kind of Magic de Queen, extrait de l'album Live in Magic. En couleur, en concert, sur RQC. We'll be right back. Voilà donc le deuxième extrait qu'on vient de s'écouter, A Kind of Magic, extrait de l'album Live in Magic Backstage, consacré à Queen, bien entendu, côté live. Alors, on est parti dans le vif du sujet. Cet album, sorti en décembre 1986, est le second live du groupe Queen après le double album Live in Killers, Live Killers, sorti lui en 1979-79. Son nom est inspiré du dernier album studio de Queen, donc A Kind of Magic. Sorti quelques mois plus tôt, plus que le contenu du Live Magic en lui-même, ce qui est remarquable est la photo intérieure du double, de la double pochette. Elle montre l'hélicoptère peint aux couleurs de Queen survolant la marine humaine de Kenworth, qui attend en ce 9 août 1986 ses idoles. Ils seront 120 000 fans à applaudir dans un environnement bocagier, la bande de Freddie Mercury, et seront aussi, sans le savoir, les derniers témoins du dernier concert du groupe. Et oui, malheureusement. Comme le Live Killers, c'est une compilation et non l'enregistrement d'un concert en particulier. Faites un aperçu de la grande tournée qui fut le Magic Tour de l'été 1986, composé de dates exclusivement européennes. Trois concerts ont été choisis pour composer ce Live Magic. Les deux concerts de Wembley de juillet 86, qui sortira en double album 6 ans plus tard. Donc ils ont ressorti cet fameux album où on voit Freddie Mercury habillé d'un pantalon blanc sur un fond bleu, hein, devant la marée humaine de Wembley, sous le nom de Live in Wembley, 2 fois 86 minutes. Devant, et il y avait donc comme public 86 000 personnes et 72 000 spectateurs. Après, il y a eu le Nespadion de Budapest devant 80 000 spectateurs. La carrière de Queen en Europe de l'Est, retraçant la carrière de Queen aussi en Europe de l'Est. Et enfin, le dernier concert de la tournée Kinbors en Angleterre, le 9 août, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il fut sévèrement critiqué à sa sortie car c'est une compilation et certaines de ses chansons ont été raccourcies, notamment Bohemian Rhapsody, dont la section opéra a été enlevée. Aucun morceau ne sorti en 45 tours, voilà, qu'on se dise, ben c'est un, on va dire, un best-of live. Hein. Si vous voulez vous procurer ce live, ben, si vous voulez collectionner du Queen, ben, faites-le. Sinon, ben, moi, je vous conseille plus de partir sur le Live in Edwin Blay, qui est beaucoup plus complet pardon, et conséquent. Je vous parlerai, bien entendu, de l'album A Kind of Magic aussi, je vous parlerai aussi de la tournée, je vous parlerai plein de choses après, mais là on va s'écouter le troisième titre qui est Under Pressure du extrait de cet album Live Magic. Backstage, les coulisses du son. Give up! Under Pressure, normalement c'est un duo aussi avec notre regretté David Bowie aussi, hein, cette chanson, grand titre de Queen. Voilà, alors début 1986, Queen enregistre l'album A Kind of Magic contenant plusieurs titres destinés à la BO du film Highlander sorti la même année, ainsi que d'autres morceaux inspirés pour le film. À défaut d'être retenu pour la BO, l'album est un grand succès, ainsi que la déclinaison du single A Kind of Magic, Friend Will Be Friend, Who Want to Live Forever et enfin Princess of the Universe. Plus tard, cette même année, Queen se lance dans une tournée à guichet fermé, le Magic Tour, afin de promouvoir l'album. Le point d'orgue, on sera un concert sur deux soirées au stade de Wembley qui sortira sur de multiples supports, albums, VHS et plus tard DVD, sous le nom de Queen Live at Wembley Stadium, et est considéré comme l'ultime témoignage de performance live du groupe. Voilà ce que je peux dire sur cet album encore. On va continuer. À la suite de ce succès, il tente de réserver le stade un troisième soir afin de satisfaire ceux qui n'ont pas pu obtenir des places, mais un autre événement a déjà prévu ce jour-là. Ils se rabattent donc sur le parc de Knebworth. Les billets se vendent tous en deux heures. Et 125 000 personnes se pressent pour voir ce qui sera l'ultime concert de Queen dans sa formation originale. Finalement, le Magic Tour reste leur plus importante tournée, jouée devant un total estimé à 1 million de spectateurs. Rien qu'au Royaume-Uni, on dénombre 400 000 personnes, le record de l'époque pour une tournée. Donc voilà. Après, bon, je vous dirai un petit passage autre que sur la tournée. Là, on va s'écouter un cinquième titre qui est tout simplement I Want to Break Free. C'est enregistré sur l'album Works de Queen qu'ils ont repris après sur leur tournée de Live Magic. On va s'écouter donc I Want to Break Free. Vous écoutez Backstage. Okay. This next song calls for a boogie. I mean, so. Pardon, je me suis trompé, c'est Another Bite the Dust. Voilà, je me suis trompé de plage, mais c'est pas. Si vous voulez, c'est les erreurs du direct, hein. Another one bites the dust, yeah. Voilà aussi ce qui faisait la force de Queen, hein, Freddie Mercury seul devant une marée humaine et arrivait à les faire chanter comme ça, ben c'est Queen quoi. Voilà, je m'excuse encore une fois, donc tout à l'heure je vous ai annoncé I Want to Break Free, c'était un hotel de Bust Dust, voilà, j'ai sauté une plage tout simplement, voilà, veuillez m'excuser. C'est les aléas du direct. Après avoir travaillé sur plusieurs projets personnels courant 1988, dont le fameux Barcelona, de Mercury en duo avec Monstera Caballé, Queen sort l'album The Miracle en 1989, dont la même veine que A Kind of Magic. Le groupe y développe un son pop-rock raffiné accompagné de quelques titres plus lourds et donne naissance au succès européen I Want It Out, Breakthrough et Invisible Man, Scandal et The Miracle. Queen annonce que l'album ne sera pas suivi d'une tournée. Mercury déclare qu'il est personnellement responsable de ce choix, souhaitant simplement rompre le cycle album-tournée établi jusqu'ici. Les rumeurs de séparation réapparaissent. Certains spéculent sur d'éventuels problèmes de santé de Freddie Mercury. Donc voilà, c'était bien entendu... suite, bien entendu, à sa maladie, qu'il n'y aurait plus de tournée. Malheureusement, après, il y a eu des albums studio qui sont sortis, mais sans tournée. Mais on y a cru jusqu'au bout, mais pas de chance pour nous. Et on a perdu une grande personne, dont Freddie Mercury. Alors là, on va s'écouter un autre titre de cet album, Live Magic, sorti en 1986, hein, en décembre 86. Et après, je vous parlerai des personnalités de tout un chacun. Et je commencerai par Freddie Mercury et Brian May, qui maintenant, Brian May aussi, a annulé une partie de tournée au pays du soleil levant, car lui, il est en rémission d'un cancer de la prostate, mais ça l'épuise énormément, donc on lui a plutôt conseillé de se reposer pour s'en remettre d'aplomb, ce qu'il a été contraint de faire. Allez, on va s'écouter maintenant le I Want to Break Free de Queen, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc c'était I Want to Break Free de Queen, bien entendu, extrait de l'album Live in Magic, car le backstage est consacré à cet album aujourd'hui. Alors, Freddie Mercury, lui, est né le 5 septembre 1946 et nous a quitté le 24 novembre 1991, né à Farrokh, Bulsara. Il est chanteur, il joue aussi du piano, il jouait du piano, considéré comme le leader du groupe, il est le membre le plus connu. Sa voix très particulière correspond à une tessiture de ténor, il a écrit la majorité des chansons célèbres de Queen, il a joué de la guitare sur certains titres tels que Crazy Little Thing, Call It Love, du piano sur d'autres. Voilà. Alors Brian May, lui, est né le 19 juillet 1947, c'est le guitariste et chanteur, bien entendu. Il est le guitariste principal du groupe et pianiste. Il a pianiste accompli. Il a occasionnellement chanté tant en studio que sur scène, soit assurant les chœurs, soit le chant principal sur certains de ses compositions. À l'âge de 16 ans, il fabrique lui-même sa célèbre guitare dénommée Reed Special avec l'aide de son père. Très fidèle à ce modèle durant toute la carrière de Queen, il en possède un grand nombre de copies. Voilà, après je vous parlerai de John Deacon et de Roger Taylor, et après on viendra un peu sur les lives de Queen, justement, hein, car c'est un backstage consacré à ce live, Live in Magic. Tout à l'heure, je vous parlais de Bohemian Rhapsody de Queen, mais là, bon, on va s'écouter la version, donc, comme je vous disais, où ils ont raccourci et qu'ils ont coupé le chant opéra de cette magnifique chanson. En couleur, en concert sur RQC. killed a man. But a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gone and throwing it all. Une chanson qui me donne toujours la chair de poule, Bohemian Rhapsody de Queen. Et encore une fois, un public comme ça qui reprend en chœur, waouh. Ils sont pas nombreux les groupes à pouvoir réaliser cette performance, et là c'était grâce au grand Freddie Mercury, bien entendu. Alors, John Deacon, lui, naît le 19 août 1951. Il joue de la basse et est le seul membre de Queen à n'avoir jamais chanté sur un album studio. Il a composé une douzaine de chansons pour le groupe, dont The Another Bite the Dust, plus gros succès du groupe aux États-Unis, sur lequel il joue habituellement de la guitare et ou du piano, en plus de la basse. Après quelques années de collaboration, il s'est fortement impliqué dans le financement et la gestion de Queen vers la fin des années 1990. Deacon se retire du monde de la musique et choisit notamment de ne pas participer au concert de Queen avec Paul Rodgers, qui a remplacé, bien entendu, à un moment donné, Freddie Mercury. Alors, Roger Taylor, lui, né le 26 juillet 1949, il joue de la batterie, percussion et chant, qui de plus joue parfois de la guitare rythmique ou de la basse sur quelques-unes de ses chansons. Il est le seul membre du groupe, autre que Freddie Mercury, à avoir jamais assuré le chant principal en live, en l'occurrence sur I Am Love, White My Car et Action This Day, durant plusieurs tournées entre 1977 et 1982, et a interprété plusieurs chansons en studio. En plus d'assurer les chœurs en live et en studio, sa voix est facilement reconnaissable de par sa tessiture extrêmement aiguë, comme on peut l'entendre sur des titres tels que Bohemian Rhapsody ou In the Lap of the God, et rogue, comme on peut l'entendre, sur des chœurs solo. Donc ça, c'était un peu pour la personnalité des musiciens de Queen. Après, je vous parlerai un petit peu du concert de Queen et tout ça. Alors, on va s'écouter un titre que vous avez tous fredonné à un moment donné. C'est aussi où on voit le clip avec, dans le fond, Metropolis. Il s'agit, bien entendu, de Radio Gaga de Queen, bien entendu, Live in Magic. En couleur, en concert, sur RQC. Radio Gaga, extrait de l'album Live Magic, sorti en 1986. Voilà. Alors, les concerts de Queen ont toujours une dimension avant-gardiste au cours de sa carrière. Le groupe s'est constitué un catalogue de chansons impressionnantes et variées à utiliser, de systèmes de sonorisation multiples, des installations d'éclairage énormes, un véritable arsenal pyrotechnique et pour Mercury, de nombreux costumes extravagant. Tout cela visait à faire de leurs concerts de véritables événements théâtraux. En tant que chanteur, Freddie Mercury pouvait créer un lien avec le public de Queen. Capacité que beaucoup d'artistes tels que Bob Geldof, David Bowie, George Michael, Kurt Cobain ou Robin Williams, pour n'en citer que quelques-uns, ont dit admirer Mercury, savait ainsi interagir avec le public, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'amenant à réellement participer au concert, quelle que soit la taille de l'événement. Et là, vous avez pu constater tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, Queen a fait partie de la poignée de groupes qui ont fourni l'impulsion ayant donné aux concerts rock dans les stades et grandes salles le statut de rendez-vous incontournable avec le public. Leur capacité à mettre sur pied des performances scéniques impressionnantes a donné lieu à la sortie d'un certain nombre de concerts simultanément en 33 tours et en vidéo, puis sur CD et DVD. Tandis que nombre significatif de copies illégales de concerts de Queen sont apparus sur le marché. On peut pas vous parler de Queen sans jouer une chanson que tout le monde fredonne. Ça a même servi de pub pour vous dire. Hein. Voilà, je ne fais pas de pub à la radio, mais il s'agit bien entendu de la chanson We Will Rock You. On va s'écouter bien entendu un extrait de cette chanson. Backstage, les coulisses du son. Voilà, je vous avais dit, c'est un petit, un mini extrait quand même hein, de Will Will Rock You, bien entendu de Queen. Voilà, c'est comme ça. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de chansons qui ont été raccourcies, mais que voulez-vous, les amis? Alors, on va s'écouter. Non, on va pas s'écouter. On va d'abord mettre un extrait de. Je vais d'abord vous dire les titres qui étaient composés de cet album. Alors, on a One Vision, Tear Your Mother Down, Seven Seas of the Rees, A Kind of Magic, Under Pressure, Another Bites the Dust, I Want to Break Free, Is This the World We Created, Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, Radio Gaga, Will Will Rock You, Friend Will Be Friend, We Are the Champions, God Save the Queen, je vous en parlerai après, un petit peu après, de God Save the Queen. Là, on va s'écouter We Are the Champions, c'est pareil, c'est un incontournable de Queen. En couleur, en concert, sur RQC. Un grand titre aussi quand même, We Are The Champions de Queen, extrait de l'album Live In Magic, bien entendu. Alors je vous rappelle les membres de Queen sur ce live. Pourquoi je dis ça sur ce live? Parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis, hein, faut pas croire, mais avec Paul Rogers et tout ça, donc après la mort de Freddie Mercury. Donc là on a Freddie Mercury au chant et au piano, Brian May guitare et chœur, John Deacon à la basse et Roger Taylor batterie et chœur. L'album est sorti en 1986, il s'appelle Live in Magic. Juste avant, on va s'écouter encore une autre chanson. Et on va s'écouter Friends, You Build Friends. Et après, on se retrouve pour clôturer l'émission. Vous écoutez Backstage. Ah, de grands, grands, grands moments qu'on regrette de ne pas avoir été là pour voir ces grands moments de show avec Freddie Mercury, bien entendu, parce que bon, c'était le showman, si même Queen continue toujours, enfin, pas pour le moment, comme je vous expliquais, donc avec les problèmes de santé de Brian May, il manque quelque chose, c'est comme si maintenant on allait voir les Beatles sans John Lennon, bah c'est exactement pareil quoi. Donc voilà, il manque quelque chose, une grande dimension, un grand charisme qui était Monsieur Freddie Mercury. Et comme je vous disais, être capable de faire chanter tout un Wembley Stadium, waouh, il fallait le faire. Et c'est un monsieur avec une très très grande voix qui s'est battu durant tout un moment pour sa maladie et a enregistré aussi un album en étant malade. Ça se le voit d'ailleurs sur son album Fabriqué au Paradis, Heaven in Paradise, où on le voit très très amaigri. C'est sur le dernier album avec la tournée donc qui était prévue pour Innuendo qui n'aura jamais eu lieu. Alors quand je vous parlais de God Save the Queen, le dernier titre qu'on retrouve chaque fois sur les albums de Queen, c'est tout simplement un hommage, et Queen arrivait sur scène, enfin Freddie Mercury arrivait habillé avec une une coiffe de la reine d'Angleterre et la cape avec un sceptre. Voilà. Et c'est sur ça que s'est terminé les concerts de Queen. Et nous, c'est sur cela que nous allons nous quitter. Moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Et on découvrira un autre album. Cette fois-ci, ce sera un album studio. Donc, à la semaine prochaine, les amis. On se quitte avec God Save the Queen. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Thank you, beautiful people. You've been a tremendous, you've been a really special audience. Thank you very much. Good night, sweet dreams. We love you. Only your music on RQC.